retourne à Alger. En cellule, le shit de Tanger. Toute l'année des lois, faut que ça paye cette année. On vient tout crayer. 6h du mat à la Mondeo. Ça danse, ça fume à Mexico. 2-3 potes et 2 bigots. Dans la cité, on prend tout. On veut l'hélico. En showcase, on met la race. D'Antonio Banderas. On connaît les hommes et Hassa. Oh Hassa. Je suis seul, tu es seul dans ma favela. Toute l'équipe entre à la casse. Jaloux, je nique toute casse. Je suis seul dans ma favela. Toute l'équipe entre à la casse. Jaloux, je nique.